Il ne convient pas facilement à l'homme de reconnaître le jeu de l'intelligence sur ses émotions. Et lorsque l'intelligence joue avec ses émotions ou joue avec son mental, l'homme, au lieu de regarder objectivement la qualité de sa mentalité ou de ses émotions, se fâche contre l'intelligence. Et ça, c'est la deuxième partie que je veux parler. Vous savez que j'engendre quand je vous parle par nécessité des attitudes créatives. Mais autant que j'engendre des attitudes créatives, je dois éventuellement les détruire. Parce que la façon dont je fais l'instruction, c'est une façon qui me rappelle toujours de avance Hercule, avance Hercule. Alors l'homme avance, et ensuite il y a un ajustement. Il avance, il y a un ajustement. Et j'ai déjà dit que plus on se conscientise, plus on se fâche. Plus on devient intelligent, plus on se fâche. Mais au début, c'est bon d'apprendre à se fâcher, parce que lorsqu'on a appris à se fâcher, qu'on est capable de se fâcher contre l'intelligence ou les forces en nous créatives, nous développons une sorte de plastron contre notre émotivité spirituelle. Alors, la raison pour laquelle j'explique ceci à l'homme et que je conviens avec l'homme de se fâcher contre l'intelligence, c'est pour lui permettre ce qu'il n'a jamais osé se permettre, parce que l'homme a toujours été dans l'âge du sacré. C'est pour lui permettre de se fâcher, de se rebeller contre la force, pour qu'il puisse détruire dans cette rébellion l'aspect cristallin, l'aspect porcelaine de son émotivité, pour faire sauter l'émotivité, pour qu'il puisse se dégager émotivement et libérer en lui une sorte de chaleur qui éventuellement peut lui servir. Mais se fâcher contre l'intelligence, c'est une chose et c'est très bon au début. Mais il vient un temps dans la vie de l'homme où il doit être capable, non pas de se fâcher contre l'intelligence, mais de se fâcher contre la volonté de l'intelligence. Si l'homme se fâche contre l'intelligence seulement, il se fâchera contre la souffrance qui est enregistrée dans son mental inférieur. L'homme doit en venir à se fâcher non pas en relation avec ce qui se passe dans son mental inférieur. Il doit être capable de subir ce qui se passe dans le mental inférieur, dans le travail de l'intelligence, pour descendre à un niveau plus bas, c'est-à-dire au niveau émotionnel. Et se fâcher dans l'émotion, ce n'est pas comme se fâcher dans l'intellect. Pour se fâcher dans l'émotion, pour se servir de cette énergie ici, il faut être stable ici. Le début, c'est ici. Mais ensuite, le combat descend ici. Et lorsque l'homme commence à se fâcher ici, qu'il commence à vivre le combat ici, il commence à développer de la volonté. Et à ce moment-là, l'homme n'a plus besoin de s'occuper de l'intelligence. Parce que si nous nous fâchons ici pour ce qui se passe dans nos têtes, pour les erreurs psychologiques que nous faisons dans notre vie ici, nous aiguisons notre sens de l'intelligence. Et ça sert. Mais nous ne développons pas notre volonté. Et lorsque nous nous fâchons ici, nous développons notre volonté et automatiquement nous avons de l'intelligence. Parce que lorsque nous nous fâchons ici, nous sommes obligés de réorganiser notre vie dans un temps précis. Et c'est la réorganisation de notre vie qui vient de cette énergie qui crée de la volonté que ensuite nous nous servons de notre intelligence pour le comprendre et comprendre la réorganisation. Il a continué. Je sais que ce que je dis n'est pas facile à comprendre, mais ça se comprendra dans les semaines qui viennent. Nous avons été pendant des siècles en dehors de l'intelligence. Nous commençons à entrer dans l'intelligence. Nous avons une conception encore de l'intelligence. Et nous perdons trop de temps à vouloir être intelligents. Nous n'avons pas de temps à perdre à vouloir être intelligents. Nous devons employer tout notre temps à faire descendre en nous notre volonté, et automatiquement, nous récoltons de l'intelligence. Autrement dit, l'intelligence est toujours quelque chose qui vient après la volonté. Elle ne vient jamais avant la volonté. L'intelligence vient toujours après la volonté, elle ne vient jamais avant la volonté, et si elle vient avant la volonté, ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'intellect avec de l'émotion. Ce point est extrêmement important dans le cadre de la psychologie de l'intelligence. L'intelligence vient toujours après la volonté, ne vient jamais avant la volonté. Si elle vient avant la volonté, ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'intellect avec de l'émotion bien organisée. Lorsque nous avons compris ceci, que l'intelligence vient après la volonté, nous commençons à comprendre comment nous sommes intelligents, jusqu'où nous sommes intelligents. Nous commençons à comprendre la dimension et la qualité de notre intelligence, et lorsque l'homme commence à comprendre la dimension et la qualité de son intelligence, l'ego n'a plus d'insécurité. Et c'est la seule façon pour l'homme de perdre son insécurité, c'est de pouvoir se servir d'abord de sa volonté pour ensuite récolter de l'intelligence afin de bien voir la relation entre la volonté et l'intelligence de l'action par le fruit, par le biais de son intelligence qui est créée automatiquement lorsqu'éclate en lui la volonté. L'intelligence éclate automatiquement elle descend automatiquement lorsqu'éclate en l'homme la volonté. Mais la volonté ne peut pas venir par le corps de désir. Elle vient d'une réaction spontanée de l'homme à des conditions qui ne font pas son affaire. Et regardez ce qui se passe. Tous les hommes vivent dans une matrix quelconque. Tous les hommes vivent à l'intérieur d'un quadrier quelconque. Et ce quadrier sont les conditions de vie qui étouffent l'homme, qui étouffent la fleur dans le lit. Et il est inutile à l'homme d'essayer de se servir de son intelligence pour éliminer cette matrix. Parce que il y a en lui de l'émotion qui créera l'erreur de l'intelligence. Et l'erreur de l'intelligence, c'est ce que j'appelle l'erreur psychologique. Et l'erreur psychologique, c'est la fausseté d'interprétation du lien entre la volonté réelle et l'intelligence réelle. Ce qui enlève à l'homme le discernement. Mais lorsque l'homme fait exploser en lui la volonté, parce qu'il a regardé le quadrier, qu'il a regardé les conditions qui étouffent sa vie, et un homme qui est étouffé dans sa vie, il le sait. On ne peut pas avoir deux mains autour du cou et ne pas les sentir. Pour chaque homme, cet étouffement est différent. Pour un homme, c'est de l'argent. Pour un autre homme, c'est son amour. Pour une autre femme, c'est d'autres choses. Mais il y a toujours dans la vie de l'homme de l'étouffement. Et tant que l'homme n'a pas senti suffisamment l'étouffement ici, il ne peut pas faire exploser l'énergie de la volonté et automatiquement ne peut pas comprendre l'intelligence et les mécaniques de l'intelligence en lui et ne peut pas vivre, goûter de son intelligence et ne peut pas regarder en arrière et dire « Ouais, j'ai bien fait. Faut là que ça soit fait. » Lorsque l'homme fait exploser la volonté en lui, en se servant de cette énergie extraordinaire qui existe ici, il désaxe Il désarçonne les motifs du mental. Il coupe, il sépare les motifs du mental et c'est la condition même de l'intelligence. De l'intelligence, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie dans laquelle ceci ne fait pas interférence avec ceci. Mais ceci, le mental, c'est beaucoup plus sage que l'émotif. Parce que l'émotif, il est animal. Tandis que dans le mental, il y a un peu d'intelligence. Dans l'émotif, il n'y a pas d'intelligence. C'est simplement une réaction. C'est viscéral. C'est sentimental. C'est une condition inférieure de l'homme. Alors, il faut que ceci explose pour qu'il y ait séparation des eaux entre ces deux principes. Et à ce moment-là, ce qui vient, c'est de l'intelligence. Alors, l'homme ne doit jamais s'occuper de l'intelligence. Tous les hommes s'occupent de l'intelligence. Tous les gens veulent être intelligents. Il ne s'agit pas pour nous d'être intelligents. Il s'agit pour nous de faire sauter les blocages. Ici. Pour que descende l'intelligence. L'intelligence est toujours le résultat de la volonté. Et je vous donne une clé précieuse lorsque je vous dis ceci. Et regardez vos actions dans votre vie, regardez si vos actions sont le résultat de l'explosion ou sont simplement le résultat d'une réorganisation mentale du matériel. Ce n'est pas en changeant une forme pour une autre forme que vous allez vous réformer. D'une façon réelle. Vous allez peut-être vous réformer d'une façon psychologique, mais il n'y aura aucune transmutation, transformation intégrale. Pour qu'il y ait une transformation intégrale des principes de l'homme, il faut qu'il y ait implosion en lui. Alors, j'ai expliqué l'importance pour vous amener petit à petit à pouvoir vivre cette explosion en vous. Je vous ai dit... Mais à un certain moment, lorsque l'on souffre trop, on se fâche contre les forces. Et il y en a qui ont compris ceci, qui se sont fâchés. Alors, ils ont créé un potentiel d'explosion. Mais le potentiel d'explosion n'est qu'à sa phase première. Parce que le potentiel d'explosion était en relation avec les forces. Dans la deuxième phase, le potentiel d'explosion doit être pour soi-même, pour débloquer sur le terrain des vaches toutes les possibilités qui nous regardent. Alors, il se produit à ce moment-là une sorte d'unitisation de l'intelligence. Il n'y a pas eux et nous, il y a seulement nous. Mais ça, c'est vibratoire. Pour qu'il y ait seulement moi, pour qu'il n'y ait pas cette dualité, mais que je vive simplement de l'unité de la dualité, il faut que je puisse faire exploser ici l'énergie qui sert à organiser sur mon plan matériel des conditions de vie qui conviennent à ma souffrance. Et ensuite viendra l'intelligence de ce que j'ai fait. Mais si je regarde avec le télescope de l'intelligence spirituelle ou de l'intelligence de communication, je ne pourrais pas faire sauter ceci parce que l'intelligence œuvre toujours contre le bénéfice réel de l'ego, mais elle œuvre pour le bénéfice intégral de l'ego. Alors, le bénéfice réel de l'ego, c'est le bénéfice apparent de l'ego vis-à-vis son émotion et sa mentalité. Lorsqu'en fait, l'ego doit vivre et doit reconnaître le bénéfice intégral de son être qui lui est dû à cause du fait que lorsque l'homme vit à l'intérieur des lois cosmiques, qui sont des lois universelles d'harmonisation, tout ce qu'il vit, même sur le plan matériel, doit être aussi harmonisé que ce qu'il vit sur le plan invisible. Alors, pour qu'il y ait harmonisation dans l'homme, pour qu'il y ait vie réelle dans l'homme, pour qu'il y ait une paix parfaite dans l'esprit de l'homme, il faut qu'il puisse faire exploser ceci, faire descendre l'énergie de la volonté et récolter ensuite l'intelligence. Ensuite, continuer à perfectionner cette relation entre l'explosion et les forces de vie. Parce que l'homme, même s'il est dans l'intelligence, même s'il est avancé dans l'intelligence, devra toujours combattre. Et l'homme devra toujours combattre parce que la vie matérielle est imparfaite. L'homme n'est pas dans les terres. Et tant que l'homme n'est pas dans les terres, il devra combattre. Mais plus il entre dans l'intelligence, plus il entre dans la volonté, plus il peut se servir de cette énergie ici pour faire exploser les obstacles devant lui et ensuite voir récolter l'intelligence selon la dynamite qu'il y a mis, plus il peut avancer et se tailler un coin de vie qui lui convient parfaitement et c'est tout ce qu'il a besoin pour être heureux. Alors, pour l'homme, dans la phase qui vient, il n'y a plus d'issue autre que l'explosion. Il n'y a plus d'issue autre que cette capacité de regarder avec des yeux humains la condition humaine et à ne plus regarder avec des yeux spirituels la condition divine. L'homme doit en arriver à ne plus s'occuper de la condition divine et à ne s'occuper que de la condition humaine, maintenant qu'il a appris que la condition divine existe. On ne s'occupe jamais de ce que l'on sait. Mais on doit apprendre. Maintenant que nous avons appris, on doit aller plus loin. Alors, l'homme doit retourner complètement son dos à l'invisible. Totalement retourner son dos à l'invisible pour ne regarder que le domaine de l'homme. Et ce n'est pas facile. Quand on a déjà été touché par, qu'on a déjà vu, qu'on a déjà senti l'autre réalité. Parce que il y a en nous beaucoup de spiritualité, il y a en nous beaucoup d'émotions spirituelles, il y a en nous beaucoup d'attitudes spirituelles, puisque nous sommes faits d'attitudes, et ce sont ces attitudes qui créent justement cette matrix qui étouffe notre vie. Alors l'homme dans cette phase apprendra à tourner son dos à tout ce qu'il aura vu ou contemplé auparavant comme étant de haute élévation. Et au lieu de se réaliser en tant qu'homme comme un être à fonction double, c'est-à-dire à fonction matérielle et à fonction spirituelle ou à fonction universelle, il se réalisera comme un être intégré dans lequel les deux fonctions participent à un même mouvement, qui est celui, pour le moment, dans la vie présente de l'homme, de vivre une vie sur le plan matériel qui convient à un être humain, qui possède une certaine nobilité, et qui doit vivre sa vie dans une certaine nobilité. Et la nobilité pour l'homme, c'est d'avoir ce qu'il a de besoin pour convenir avec l'intelligence qui continue à créer à travers lui et à exercer à travers lui son pouvoir sur la terre. Les hommes prennent des décisions en fonction des autres hommes. Et dès que nous prenons une décision en fonction d'un autre homme, nous ne pouvons pas faire exploser ici l'énergie qui donne la volonté. C'est une loi cosmique, parce que le rapport entre l'énergie et l'homme, c'est un rapport absolu. De sorte que l'homme doit être dans sa vie, doit vivre ce rapport d'une façon absolue. Et dès que l'homme prend une décision en fonction d'un autre homme, il nie sa capacité de faire descendre l'énergie de la volonté et de récolter de cette descente de l'intelligence. Et je sais que je dis ceci, que ce sera mal interprété, que ce sera mal compris. Parce que beaucoup s'en diront ou prétendront que à l'égocentrisme plutôt qu'au centrisme. Dans le centrisme, il y a de l'intelligence. Dans le centrisme, il y a du discernement. Dans le centrisme, il y a équilibre entre ce que l'on fait et ce qui est touché. Dans l'égocentrisme, il n'y a pas d'équilibre entre ce que l'on fait et ce qui est touché. Mais je ne peux pas éliminer tous les obstacles de la vie de chacun. Je ne peux parler qu'une façon universelle. Mais je vous mets en garde contre l'égocentrisme des décisions qui vous semblent centriques. Parce que l'intelligence ne divise pas. Mais elle peut diviser si elle est fausse. L'intelligence, elle est patiente. Et elle divise lorsqu'il n'y a pas de patience. C'est là où il n'y a pas de patience qu'il y a division, lorsque l'homme travaille en relation avec l'énergie de l'intelligence. La conception que nous avons les hommes de la vie de l'homme, ce n'est pas une conception. C'est une misconception. Comment on dit? Non. It's a misconception. Le mot anglais est mieux. C'est une aberration. La conception de l'homme est une aberration. Mais l'homme ne peut pas réaliser cette aberration tant qu'il n'est pas entré dans la conscience politique de l'homme. Et la conscience politique de l'homme, c'est une conscience sociale de la relation entre l'être supramental et la vie. C'est une relation sociale entre l'être supramental et les races. C'est une relation entre l'être supramental et les races anciennes. C'est une relation qui permet à l'être supramental d'éteindre ses liens avec les races anciennes. Et tant que l'être supramental n'est pas arrivé dans sa vie à éteindre les liens avec les races anciennes, il est incapable de vivre dans l'énergie de l'intelligence d'une façon qui convienne parfaitement à la puissance créative, sociale, mondiale de cette intelligence. La relation entre l'intellect de l'homme, entre l'intellect et l'émotion de l'homme, et les races anciennes, est une relation sociopolitique. Elle crée des mécanismes sociopolitiques. Mais lorsque l'homme entre dans l'intelligence universelle, les relations sociopolitiques n'existent plus pour l'homme. Parce que l'homme n'est plus un être social. Il n'est simplement qu'un être politique. Et dans l'inconscience de l'homme, dans le passé de l'homme, tu ne peux pas diviser le social du politique, parce que les deux vont ensemble. Parce que le social, du social naît le politique, et le politique organise le social. Mais lorsque l'homme est dans l'intelligence universelle, il n'a plus besoin du social, puisqu'il est individualisé. Il n'a besoin que du politique, c'est-à-dire de cette capacité de l'intelligence d'organiser des unités conscientes en fonction d'un plan universel qui, pour la plupart des gens, leur sont cachés au moment où ils en prennent conscience, parce que les hommes ne sont pas encore dans la conscience cosmique suffisamment avancée pour en comprendre les secrets occultes, c'est-à-dire les secrets cachés, les secrets qui sont liés directement avec le gouvernement invisible de la Terre. L'homme ne vit dans son intelligence subjective que de très courts moments de conscience. Il n'a une vue de la vie qu'en fonction de certains mécanismes de préparation qu'il a établis, de certains points de référence, sa finance, sa dot gouvernementale à l'âge de 65 ans, et ainsi de suite. Alors, ceci lui donne des points de référence. Mais lorsque l'homme entre dans l'intelligence universelle, ces points de référence-là n'ont plus de signification pour lui, parce qu'il n'est plus attaché à la relation sociopolitique de l'être humain. Il ne fonctionne qu'en vertu de la condition politique de l'intelligence, et la politique de l'intelligence est une condition d'organisation qui existe sur tous les plans, à la fois visible ou invisible. Mais il y a des voiles à la compréhension de la conscience politique de l'être supramental. Et un de ces voiles est directement lié au fait que l'être supramental découvre l'intelligence lorsqu'il a réussi à faire exploser l'énergie ici, qui auparavant a créé dans sa vie la condition donnant naissance à la sociale politique. Tant qu'un homme ne sent pas en lui la capacité un jour de vivre d'une façon totalement politique et de ne vivre d'aucune façon sociale politique, il est incapable d'entrevoir la destinée de la cinquième race. Il est incapable d'entrevoir la destinée de sa vie. Il est incapable d'entrevoir le potentiel d'isolation psychique de son existence. Il est incapable d'entrevoir le potentiel vibratoire de sa conscience créative en fonction d'autres états matériaux qui viendront après la fin du cycle. Autrement dit, il est incapable de voir plus loin que l'an 2000. De sorte que il est forcé de retomber comme un chat sur ses pattes et de ne vivre que du matériel philosophique, psychologique, sociopolitique que lui fournit par ou sans contestation ou avec contestation l'histoire contemporaine. La préparation de l'homme, le développement de son intelligence réelle n'est pas une partie de cartes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gagnant et un perdant. Il n'y a qu'un gagnant. Mais tant que l'homme ne peut pas sentir, ne peut pas réaliser, ne peut pas savoir qu'il n'y a qu'un gagnant dans le développement de l'intelligence universelle, il n'est pas dans la volonté de cette intelligence et il n'a pas été capable de faire exploser cette énergie ici qui se centre dans le plexus solaire pour le bénéfice de l'être humain et non pour le bénéfice entaché de forme et de gradation ou de dégradation spirituelle, philosophique ou psychologique qui rattache l'homme au cosmique. L'homme n'a pas besoin d'être attaché au cosmique en vertu de ses pensées ou en vertu de ses sentiments. L'homme fait partie du cosmique. Alors, ce n'est pas à l'homme de perdre du temps, de perdre de l'énergie, de perdre de l'énergie philosophique, de perdre de l'énergie psychologique ou spirituelle pour s'occuper de l'invisible. L'homme doit contester son droit à la vie. L'homme doit contester son droit à la vie. Et il doit détester toute domination sur sa vie. Et puisqu'il est dans le matériel, il doit détester toute domination sur sa vie matérielle. Et pour ceci, pour qu'il puisse le faire et engendrer l'énergie qui lui permet ceci, il doit faire exploser ceci. C'est la loi de l'intelligence dans l'homme. Ce n'est pas une condition de l'homme. C'est la loi de l'intelligence dans l'homme. Et lorsque l'homme est dans l'intelligence de cette loi, il la manifeste, cette loi, et automatiquement se retire du jeu historique de la sociale politique pour entrer dans la condition primaire de l'homme supramental de la sixième race, qui est une condition politique, mais qui deviendra éventuellement une condition politique extrêmement voilée pour ceux qui n'auront pas de yeux pour voir. Parce que vient un moment dans la vie de l'homme qui entre dans l'intelligence ou dans lequel l'intelligence entre, où il ne peut plus se servir de ce qui l'a nourri dans le passé. Il ne peut plus s'en servir d'aucune façon. Et quand je dis d'aucune façon, je dis d'aucune façon qui serve à le sécuriser émotivement. Il ne peut s'en servir que dans la façon qui le sécurise matériellement. Et la sécurité matérielle de l'homme ne peut être à ce stade qu'en fonction de son intelligence. Si elle est en fonction de son émotif, elle lui donnera une fausse sécurité et ceci ne lui permettra jamais de bénéficier de l'intelligence de sa sécurité. Et si l'homme ne bénéficie pas de l'intelligence de sa sécurité, il ne sera jamais dans la sécurité de son intelligence. Il sera toujours dans la sécurité émotive de son intellect. Et ça, c'est de la grosse merde. Mais on ne sent de la merde que lorsqu'on a le nez pour le sentir. Alors, il y a des milliers d'êtres qui pataugent dedans et qui se sentent à l'aise. « Mais ce qui nous fait sentir cette merde, c'est la douleur qui vient, qui est ressentie dans l'homme lorsqu'il sent l'obstacle à sa politique. Et l'obstacle à la politique de l'homme supramental, c'est cet obstacle qui convient d'être appelé la loi planétaire contre la loi cosmique. Toute loi planétaire, toute conformité de la loi planétaire chez l'homme lui enlève l'action créative de la conscience cosmique et le soutire, l'enlève du terrain de jeu plus petit dont lui a de besoin pour vivre sa vie comme lui, il le veut, dans les conditions où lui, il veut vivre, selon l'intelligence que lui possède, de cette volonté extraordinaire qui est la volonté créative de la conscience. Dans le fond, je vous dessine d'une façon brève des conditions futures de l'évolution de l'homme de la cinquième race. Je ne vous dis pas ce matériel, je ne vous donne pas ce matériel pour invoquer chez vous des pensées, mais je vous donne ce matériel pour faire vibrer en vous des aspects qui sont réels, mais qui sont sans puissance. Et les aspects qui sont sans puissance sont des aspects qui ne peuvent pas vous donner la sécurité d'être conscient, d'être intelligent. Et il y a une sécurité extraordinaire dans le fait d'être conscient, d'être intelligent. Être intelligent, ce n'est pas assez. Il y a énormément d'hommes qui sont intelligents, mais ils ne sont pas conscients d'être intelligents. Et être conscient d'être intelligent n'est pas être conscient d'être intelligent dans la forme que nous avions auparavant. Parce que dans la conscience de l'intelligence, il n'y a aucune réflexion dans le moi. Dans la conscience de l'intelligence, il n'y a que la puissance vibratoire de l'intelligence à travers les principes de l'homme qui permettent à l'homme de se dégager de la sociale politique pour créer éventuellement une politique universelle nouvelle qui n'est pas conditionnée par l'histoire, mais qui crée une histoire neuve. Mais une histoire qui n'est pas enregistrée dans les livres, mais qui s'enregistre dans les éthers. Il est temps que nous commencions à développer la métaphysique de la conscience de l'intelligence pour en arriver éventuellement à comprendre l'essence de l'intelligence et sa fonction sur le plan matériel lorsque l'homme commencera à débloquer dans son intelligence et qu'il pourra commencer à percevoir la vibration de l'intelligence à travers la volonté de son acte lorsque l'explosion aura été faite dans le plexus solaire. Pour que les hommes, dans quelque nation qu'ils soient, de quelque nation qu'ils viennent, puissent reconnaître le lien qu'ils ont entre eux et le lien qu'ils auront plus tard entre eux en fonction du plan préparatoire de l'échappement de la condition matérielle lorsque la fin du cycle viendra sur le plan matériel. L'homme doit pouvoir commencer à absorber des idées qui ne conviennent pas à son intellect, qui ne conviennent pas à son émotion, pour commencer à déloger dans l'intellect et de l'émotion certaines pertes de mémoire. Des pertes de mémoire qui proviennent de son intelligence qui n'est pas capable de descendre et de se filtrer à travers son être, pour qu'il puisse commencer à enregistrer en lui des vibrations qui coïncident avec son intelligence et qui éventuellement feront partie de son intelligence et qui éventuellement feront partie du pouvoir de son intelligence et du pouvoir organisationnel de son intelligence sur le plan politique. Mais un plan politique qui ne convient pas à l'homme de connaître sur le plan historique et en conformité avec la politique que nous connaissons dans le monde, mais en relation avec une politique qui est la destinée de l'homme supramental, mais qui n'a aucun lien avec l'égalité du système indo-européen. Autrement dit, là où il y a eu dans le passé la philosophie de la politique et la philosophie de la sociale politique, je vous donne un exemple. Et je veux faire une parenthèse. Si jamais je prends des gens dans les salles ou dans les conférences, rencontres qui enregistrent ce que je dis, je couperai totalement mes liens avec ces gens-là et je n'aurai aucun recours. J'ai déjà avisé de ne jamais enregistrer mes conversations parce que je veux avoir la liberté de parler avec la liberté dont je veux me donner pour votre bénéfice. Et s'il y a des gens parmi vous qui enregistrent ou si ça me vient aux oreilles, que des gens enregistrent, je sévérerai complètement ces gens de ma relation parce que je n'ai pas peux pas permettre que d'autres souffrent pour ce que je dise. Alors vous êtes bien avertis, parce que plus j'avance dans le temps, plus je vais révéler des choses qui ne seront pas du matériel pour des oreilles sourdes. Et je suis catégorique, pour quelque raison que ce soit, et je ne prendrai jamais d'excuses. Je l'ai fait dans le passé, mais dans l'avenir, je ne prendrai jamais d'excuses. Je dois être libre de parler avec la parole que j'ai, et si une personne, pour quelque raison que ce soit, même si ce sont des raisons valables, n'est pas capable de se fier à mon jugement dans cette condition où ma parole est directement liée à mon jugement, je devrais sévérer mes liens avec elle. Vous n'avez qu'à écouter, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Nous vivons aujourd'hui à la fin du 20e siècle. Et nous vivons dans des conditions qui sont contrôlées dans le monde par des forces extrêmement puissantes. Nous vivons dans un monde qui est contrôlé par des forces dont même les forces ne connaissent pas la mécanique. Alors lorsque les forces qui contrôlent le monde ne comprennent pas la mécanicité de leur jeu, la mécanicité de leur activité. Le monde est en proie à un désarroi et à une détérioration qui devient de plus en plus rapide et de plus en plus inéluctable au fur et à mesure que la science augmente son pouvoir de détection des phénomènes de la loi du feu. Et il ne peut pas être permis sur une planète aussi importante que la planète Terre, que les hommes périssent par la main des hommes. De sorte qu'il doit venir à un certain moment sur ce globe des êtres qui ont le pouvoir de retirer intégralement un être humain d'une condition matérielle qui convient à la destruction d'un cycle pour amener éventuellement un cycle nouveau. Mais ce que les hommes ne savent pas, ce que les hommes ne comprennent pas, c'est que les lois cosmiques, les lois de l'intelligence, les lois interplanétaires et les lois de toute cette formation extraordinaire de puissance qui dirige, qui organise et qui désorganise une évolution planétaire sont, dans un avenir extrêmement près, sur le point de venir à l'encontre de l'homme, à la rencontre de l'homme, mais dans des conditions que l'homme ne connaît pas et dans des conditions que l'homme ne peut même pas exploiter par son imagination. Et parce que l'homme ne peut pas exploiter par son imagination la relation éventuelle de l'invisible avec le matériel, l'homme est un être extrêmement vulnérable. Et la vulnérabilité de l'homme provient du fait qu'il possède suffisamment d'émotivité en lui pour chercher à se sécuriser spirituellement lorsque viendra ce moment dans l'histoire de l'homme. Et cette recherche à la spiritualisation, à la sécurité de spiritualisation chez l'homme, provient du fait que l'homme est un être animal. Et lorsque je dis que l'homme est un être animal, je veux dire ceci. Je veux dire que la condition animale de l'homme est une condition qui fait partie de l'imposition des lois cosmiques sur la conscience astrale de l'homme. Et la conscience astrale de l'homme est cette condition qui permet à l'homme de constamment relever le défi de la matière en relation avec l'exploitation émotive de son sens du réel. Mais l'homme n'a aucune idée de la condition immanente du réel et n'a aucune condition du pouvoir du réel et n'a aucune idée de l'instantanéité matérialisante du réel, de sorte que toutes les idées que puisse posséder l'homme dans son mental, en vertu de son état spirituel, ou en vertu de son état ésotérique, ou occulte, ou psychologique, ou philosophique, ne sont que des voiles qui servent à maintenir dans l'homme une certaine émotion, afin de le maintenir sous le joug de la domination des forces planétaires qui sont anti-intelligentes. De sorte que, plus l'homme avance dans le temps, plus il entre dans un temps qui convient d'être appelé le temps de l'esprit. Et le temps de l'esprit est un temps qui ne convient pas à l'homme tant que l'homme n'est pas dans son esprit. Mais l'homme doit être préparé à ce temps. C'est pour ça que dans le monde aujourd'hui, il y a une instruction qui est donnée à l'homme qui défie toutes les lois de l'intellect et de la psychologie pour donner à l'homme un rapport essentiel entre lui-même interne et entre lui-même externe. C'est-à-dire un rapport qui lui permet de se reconnaître en tant qu'individu, en tant qu'identité, d'une façon parfaite. Et quand je dis de se reconnaître d'une façon parfaite, je veux dire d'être capable de s'élever par sa propre intelligence au-dessus de l'intelligence de la masse pour pouvoir s'élever plus tard, de par sa volonté, au-dessus des lois matérielles. Et un homme qui n'est pas capable d'enfin pouvoir réaliser cette relation entre son intelligence et son être-té ne pourra pas éventuellement être capable d'absorber l'énergie qui viendra du contact entre l'éther et la matérialité. C'est pourquoi, plus nous avançons dans le temps, plus nous devons être avertis d'une façon différente, d'une façon qui ne convient pas à notre émotion et à notre intellect. Mais averti d'une façon qui convient simplement à la vibration de l'intelligence en nous. De sorte que je vous parlerai dans l'avenir d'une façon qui n'a jamais été parlée sur le globe, mais je vous parlerai d'une façon qui ne conviendra jamais à vos égos. Je vous parlerai d'une façon qui ne conviendra jamais à votre émotivité et à votre intellect, mais je vous parlerai d'une façon qui convient à l'énergie de votre émotion et à l'énergie de votre intellect, afin d'ouvrir en vous le canal de l'intellect et de l'émotivité pour que vous puissiez éventuellement souffrir de ce que vous savez. Alors, je devrais vous faire souffrir de ce que vous savez parce qu'il y a en vous des mécanismes de réflexion qui se serviront de la vibration que j'aurai mis dans votre esprit par le biais de l'émotivité ou par le biais de la pensée. Et c'est cette souffrance de ce que vous saurez qui vous servira éventuellement de point d'amarre pour reconnaître éventuellement le contact avec l'invisible dans des conditions qui vous sont aujourd'hui voilées et que vous ne pouvez pas, anyway, comprendre. Si je vous parle de ce que vous ne pouvez pas comprendre et si je vous parle de façon à ne pas créer en vous d'attachement émotif ou mental, c'est pour vous permettre de commencer à reconnaître la puissance de l'intelligence sur la Terre et aussi de vous faire reconnaître la puissance de l'énergie de l'intelligence sur la Terre pour que vous puissiez commencer à bénéficier de votre propre intelligence. Et vous bénéficierez, vous commencerez à bénéficier de votre propre intelligence lorsque vous aurez commencé à cesser de comprendre, à cesser d'essayer de comprendre. Lorsque vous aurez commencé finalement, pour la dernière fois, à cesser d'essayer de comprendre, vous commencerez à comprendre. Mais vous comprendrez d'une façon qui est vibratoire et vous ne comprendrez rien d'une façon qui est psychologique. Et c'est à partir de ce moment-là que vous commencerez à rentrer dans la conscience politique de la sixième race et de sortir de la conscience sociale politique de la cinquième. Les études qui ont été faites de la nature de l'homme par les intelligences coïncident avec cinq natures fondamentales. L'homme est à la fois stupide, il est à la fois intelligent, il est à la fois moronciel, il est à la fois matériel, et il est toutes les fois ensemble parfait. Autrement dit, l'homme est un être parfait. Et lorsque je dis que l'homme est un être parfait, je veux dire que la condition de l'homme qui a été créée parfaitement par des êtres parfaits, convient aux exigences vibratoires de leur intelligence, de sorte que l'homme sur la Terre est un être parfait. Et ce qui empêche l'homme sur la Terre de se manifester parfaitement, c'est son émotivité et son intellect. De sorte que vient au cours de la sixième race un déconditionnement de l'émotivité et de l'intelligence de l'homme pour le rendre parfait, non pas dans la perfection de son pouvoir, mais de le rendre parfait dans la perfection de sa vibration. Et c'est la perfection de la vibration de l'homme qui est essentielle à ses êtres. Les frères de l'espace ont besoin de la perfection de l'homme, mais de cette perfection vibratoire de l'homme et non de cette perfection psychologique. Et la perfection vibratoire de l'homme est le rapport essentiel entre le matériel, le vital, l'émotionnel et le mental, et surtout au début, entre l'émotionnel et le mental, pour que ces êtres puissent s'enregistrer vibratoirement dans l'homme à son insu, pour que demain, au niveau de son vital et de son physique, ils puissent s'enregistrer en lui non plus à son insu, mais avec pleine conscience. De sorte que, avant que l'homme puisse voir dans l'invisible, son émotionnel et son mental doivent être ajustés à eux, et lorsque le mental et l'émotionnel seront ajustés en eux, le vital et le physique viendra, et les hommes pourront voir dans l'invisible,